De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour. Bonjour Yves. La précédente chronique, tu nous as parlé de la violence. Qu'est-ce que la violence ? Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre, tu vas revenir aussi sur ces notions, notamment de consentement. Tu peux nous expliquer pourquoi ça te touche particulièrement ? Alors oui, merci. Il se trouve que j'ai l'occasion de faire des formations en centre de détention sur le thème des violences dans le couple et des autres types de violences. Donc j'ai la chance de bosser en binôme avec quelqu'un qui est au CIDFF, conseillère conjugale. Moi, je forme à la communication non violente pour donner des outils aux détenus pour éviter la récidive. Et ma collègue, elle les aide à avoir une lecture plus claire de ce qui se passe dans les... Qu'est-ce que c'est que la violence ? Et donc, du coup, moi, j'ai découvert des choses et j'aimerais vous les partager. Juste le CIDFF, c'est le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Oui, tout à fait. On en reparlera. Donc, alors, explique-nous un peu les notions que tu voudrais mettre en avant. Alors, il existe différents types de violences. Finalement, on en a un peu parlé la dernière fois, que la violence, elle peut être physique. Hein, ça peut être des coups ou le simple fait de pousser quelqu'un. Des fois, ça, c'est la brutalité qu'il y a dans le geste. Elles peuvent être verbal, quand on a des insultes, des cris, et puis quand on humilie, quand on utilise les mots pour faire mal, mais elles peuvent être aussi psychologiques. Alors, le psychologique et le verbal peut être imbriqué, mais c'est l'idée que ça va avoir pour effet une peur quasi forte et qui va être un peu tout le temps là, et une perte d'estime de soi sur la personne. Donc, quand on utilise les menaces, quand on utilise le chantage affectif, quand on ignore la personne... Ça s'appelle des violences psychologiques. Et il y en a qui sont moins connues, qui sont les violences administratives et financières. C'est-à-dire confisquer les papiers de son ou sa partenaire, carte d'identité, passeport, permis de conduire, ou ne pas leur laisser des moyens de paiement pour qu'ils soient autonomes pour les dépenses, chèques, cartes de crédit, etc. Ça s'appelle des violences administratives et financières. Et je t'avoue que je ne connaissais pas ça, donc je me suis dit que ça peut être intéressant d'en parler pour que si des personnes sont dans des situations comme ça, elles se rendent compte que ça commence déjà. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un tape sur son partenaire. Souvent, avant, il y a une sorte d'escalade et ça peut passer par des petits signes comme ça où on impose la tenue à porter à une personne, on lui interdit de sortir avec ses amis ou des choses comme ça, on l'isole. La violence, ça commence déjà là et je voulais sensibiliser autour de moi les personnes pour que ça leur fasse un peu tilt. Durant cette semaine, vous allez peut-être trouver dans les boulangeries autour de vous des petits papiers ronds ou en longueur comme des réglettes qui s'appellent des harcélomètres, qui permettent de se rendre compte des petits gestes, des petites attitudes qui, prises toutes seules, on se dit c'est pas si grave, c'est pas agréable, mais en fait ça peut être déjà des indicateurs qu'il y a une dynamique qui est en place et qui peut basculer un jour vers de la violence physique. Pour éviter d'en arriver là et se rendre compte, c'est important d'avoir ces informations. C'est intéressant pour les personnes directement concernées, mais aussi pour l'entourage. Tout à fait. Pour être sensibilisé et attentif à ces signes. Oui, tout à fait. L'entourage, si vous assistez à ça, vous pouvez dire à la personne, c'est pas normal. Ça s'appelle aussi de la violence, ça. Les gens qui ont pris conscience de ça, vous pouvez appeler le 3919, même si vous êtes témoin, parce que comme ça, vous serez outillé sur comment agir, comment aider les personnes. Vous pouvez regarder les harcélomètres en prendre autour de vous, dans les boutiques autour de vous, et puis joindre le Centre d'information du droit des femmes et de la famille, le CIDFF, où il y a des juristes, il y a des psychologues, il y a des tas de gens pour vous conseiller, tout ça gratuitement. Merci beaucoup, Noémie. Merci à toi, Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.